votre invitation dans votre séminaire. Donc je suis, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, je suis sociologue, donc je fais des enquêtes de terrain. Moi, je travaille sur l'apprentissage de l'amour à l'adolescence, et c'est pas tellement ça que je vais vous parler. Mais je vous le dis parce que malgré tout, la réflexion méthodologique vient du fait que je fais moi-même des enquêtes de terrain, et donc je travaille dans une perspective féministe. Donc ce soir, je vais essayer rapidement d'expliquer en quoi ça consiste. Je vais être plus longue sur l'explicitation de l'épistémologie du point de vue féministe et je donnerai quelques pistes méthodologiques mais qui sont à trouver dans des papiers que j'ai écrits dont on pourra éventuellement parler ensuite dans la discussion. Mais je vais essayer de plutôt passer l'essentiel de mon exposé à expliciter en quoi consiste, enfin, ce que veut dire cet adjectif quand on pour caractériser une science. Donc je commencerai par une citation de Donna Haraway, qui est une historienne des sciences aux États-Unis et qui est une des principales auteurs du standpoint féministe. Donc on traduit soit, souvent en français, soit par point de vue situé, soit par positionnement. On va revenir sur les enjeux de la traduction, mais là, je vais faire court là-dessus. Et qui résonne un peu avec, je pense, avec ce que tu viens de dire. Elle termine un article qui s'appelle « Le témoin modeste », qui est un très bon papier pour comprendre en quoi consiste le point de vue situé, par cette phrase. Une nausée et des maux d'estomac persistants, voilà ce qui me donne un sens aigu de ce qu'est une connaissance située. Donc ces mots d'estomac, cette phrase me semble un bon point de départ parce que je crois qu'une des choses qu'on partage quand on se réclame des études féministes et quels que soient nos éventuels désaccords théoriques par ailleurs, ce sont ces maux d'estomac. C'est parce qu'on les ressent en général depuis longtemps dans sa propre vie qu'on en est souvent venu à faire des sciences sociales et c'est parce que le reste des sciences sociales et leurs institutions nous donne à leur tour souvent mal à l'estomac, que nous travaillons à comprendre ce qui nous fait mal et à faire en sorte d'avoir moins mal, notamment en changeant les institutions et en dénonçant les causes de la douleur. Les maux d'estomac sont dus en fait au constat, notamment, que des discours savants ne tiennent pas compte de ce qui compte le plus pour nous, quel que soit sur nous, hein, parce qu'on n'est pas tous pareils. Ces discours font donc la preuve de leur partialité, alors qu'ils se revendiquent de l'universel. Et que régulièrement, ils nous retournent l'idée que nous ne serions pas l'universel et nous serons particularisés. Ils nous renvoient à notre différence. Et c'est un peu de ça que part l'épistémologie féministe. Pour résumer, on peut dire qu'il s'agit de transformer en ressource théorique l'impureté qui est inhérente à la démarche scientifique, mais qui est rarement reconnue comme telle. Je vais citer que quelques auteurs, il y en a beaucoup d'autres, mais là je vais centrer sur quelques figures qui me semblent particulièrement explicites sur cette perspective théorique, mais bien sûr je ne serai pas du tout exhaustive. La philosophe états-unienne Sandra Harding, qui est une des auteurs de référence de ce champ d'études, explique ainsi que les épistémologies du positionnement, donc du point de vue situé, ont cessé de voir comme un problème moins fait regrettable l'impossibilité pour tout savoir d'être produit en dehors d'une certaine position sociale. Elles l'ont théorisé comme une ressource permettant d'accroître l'objectivité. Elles qualifient de faible la définition de l'objectivité fondée sur l'idée que les scientifiques seraient en possibilité de produire un savoir délesté des prénotions, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu. Alors moi aussi je ferai des petits écho à Pierre Bourdieu parce que c'est la théorie qu'il a fondée, en tout cas en France, et la théorie hégémonique en sciences sociales critiques, et j'inscris dans la perspective critique la perspective féministe, mais avec quelques points d'accord et puis quelques points de désaccord. Et un des gros points de désaccord, c'est cette idée que la science, ce qui caractériserait la science, ce serait un savoir délesté des prénotions. Or, ce qu'ont bien constaté les féministes, c'est que quand on écoute, enfin, que les savants ont tous des prénotions. Et l'idée, c'est, et nous en avons tous, et nous avons tous un regard partial et partiel sur le monde, mais le problème est de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. De ne pas le reconnaître positionne comme universel un savoir qui est en réalité, qui a ses œillères, et notamment une grosse œillère sur une partie de l'humanité pour ce qui est du départ de cette épistémologie-là. La preuve de cette faiblesse, donc de cette objectivité faible, ainsi que la qualifie Sandra Harding, est historique, puisque donc pendant des décennies, la production du savoir en sciences humaines et sociales a été détenue de façon monopolistique par des hommes qui ont omis les femmes de leurs objets de recherche et le rapport de domination entre hommes et femmes de leurs problématiques, entre autres au rapport de domination. On est bien d'accord, mais je pars du début de ce qui a fondé cette épistémologie-là à ce moment-là. Ils ont dès lors non seulement presque exclusivement travaillé sur des hommes, mais sans théoriser le fait qu'il s'agissait d'hommes, c'est-à-dire sans reconnaître le fait d'être un homme, que le fait d'être un homme est une position sociale, parce que c'était la leur, qu'ils ne la voyaient pas. A l'inverse, Sandra Harding défend l'idée selon laquelle un savoir intéressé est capable d'engendrer une objectivité forte et des résultats moins faux. Les féministes ont produit et produisent des connaissances nouvelles parce qu'elles ont inclus des vies qui, jusqu'à ce qu'elles en parlent dans leurs travaux, n'étaient pas problématisées, se trouvaient dès lors exclues du savoir légitime. Pourquoi ? Parce que ces chercheuses, c'était des femmes au départ, sont intéressées par les finalités de la recherche et les contraintes dans lesquelles celle-ci s'élabore, et parce que leur regard s'est formé dans des expériences inconnues de la plupart des savants hommes. Ouvrant la démarche féministe au-delà des femmes, Sandra Harding pose comme une exigence des épistémologies du positionnement d'être à l'écoute des savoirs produits en dehors des savoirs consacrés. Elle écrit qu'il faut réfléchir à partir de vies marginalisées, c'est-à-dire exiger des sciences une ouverture constante aux positions et aux visions minoritaires. Dans une filiation marxiste et suite aux premières propositions sur le positionnement qui ont été formulées notamment par la philosophe Nancy Hartsock dans les années 70, il s'agit de décrire les rapports de domination depuis la position dominée, en se disant que cette position-là donne un éclairage différent sur le monde et un éclairage qui permet de construire une science moins fausse. Alors ça implique plusieurs points de tension avec d'autres traditions critiques que je vais essayer de décliner rapidement. Le premier point de tension concerne la place de l'expérience dans la production du savoir. Et c'est un point de tension qui est toujours à l'œuvre dans les sciences sociales contemporaines. Un des apports des féministes a été de poser les questions autrement et de constituer en objet de savoir des personnes et des situations qui n'étaient pas, tant qu'elles-mêmes n'étaient pas sujets de savoir. D'accord ? Donc, à partir du moment où elles sont entrées dans l'université et où elles ont commencé à produire le savoir, elles ont commencé à parler d'autres personnes qui jusque-là n'étaient pas parlées par les savants. On peut déduire de cela que l'expérience personnelle constitue un point de départ pour la recherche. Ça ne veut pas dire que c'est le point d'arrivée, mais c'est un point de départ. Il s'agit d'admettre que c'est d'abord en raison souvent des contraintes sociales qui pèsent sur sa propre vie que l'on formule ses problématiques, ses questions de recherche. Ce faisant, on cherche à répondre à ce qui est un problème pour soi. Et ça, c'est facile de l'admettre quand on pense qu'on a des problèmes avec le monde social et que c'est une des raisons pour lesquelles on fait des sciences sociales, mais c'est beaucoup plus facile à admettre quand on considère qu'on n'a pas de problème et qu'on parle des problèmes des autres. Mais en fait, on ne parle pas de tous les autres et on ne parle pas de tous les problèmes. On parle des problèmes qui se posent à soi-même, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Il ne s'agit pas de dire que l'on se prend soi-même pour objet nécessairement, que l'on ne parle que de soi lorsqu'on parle des autres, encore que c'est une question qu'on peut se poser aussi, ou qu'il y aurait un lien mécanique entre la vie que l'on mène et le savoir que l'on produit. Il s'agit juste de penser que les engagements que l'on a dans sa vie, en raison de sa propre expérience, nourrissent activement la recherche que l'on produit, et qu'il est important de le reconnaître, de ne pas le nier. Parce que notre expérience, en même temps qu'elle peut nourrir nos recherches, les limite aussi, puisqu'on tend à ne pas voir, à ne pas prendre en considération ce qui ne résonne pas avec nos propres vies. L'idée n'est pas de dire que parce qu'on est féministe ou parce qu'on pense à partir de son expérience, on pense nécessairement mieux et qu'on voit tout, mais c'est juste de reconnaître qu'on voit certaines choses parce qu'elles sont en partie en lien avec notre propre expérience. Et ce qu'explique bien Donna Haraway, c'est que le savoir est incorporé, le savoir est produit dans des corps qui sont plus ou moins marqués par les rapports sociaux. Et que quand ces corps sont marqués, sont dans des positions plus dominées, le marquage est très fort et délégitime les savoirs qui sont produits dans ces corps, et que les corps non marqués peuvent se payer le luxe de croire qu'ils sont produits au-dessus de tout soupçon et en dehors de toute limitation, de toute partialité. Le situer ou localiser un savoir, ces différentes expressions qui sont utilisées, quand on localise ou constitue son propre savoir, il ne s'agit pas de décliner sa position au sein des rapports de domination, genre, classe, race, sexualité, etc., mais de reconnaître la partialité du savoir que l'on produit depuis la place qu'on occupe. Parce que ça, c'est un écueil aussi, à Haraway écrit beaucoup là-dessus, sur le fait que les dimensions de l'identité, les intersections auxquelles on se situe les uns et les autres, le fait de décliner comme ça ces différentes facettes de l'identité ne suffisent pas à restituer cette partialité. L'anthropologue Laura Nader, dans un article qui enjoint d'enquêter en haut de la hiérarchie de classe, donc un article des années 70 depuis une position dominée, cite des projets de recherche d'étudiants fondés sur des révoltes situées à milieu des questions de recherche de leurs enseignants. Elle considère qu'un travail né d'une indignation est particulièrement apte à renouveler les objets et à participer à la construction d'un savoir plus démocratique. Une idée également centrale dans les écrits de Harding, je la cite, « L'élan normatif conduit souvent à redéfinir un problème dans un cadre inédit ou à formuler des questions importantes à propos d'un phénomène qui ne pourrait advenir en dehors de cet élan. » Et c'est ça, rester attentif et à l'écoute de savoirs minoritaires reproduits depuis des vies marginalisées, c'est de ne pas considérer que parce que des positions ou des propositions sont hors normes au regard des canons académiques, ils sont nécessairement sans validité scientifique. Au contraire de ce que promeut par exemple Pierre Bourdieu, à nouveau lui, l'épistémologie du positionnement féministe n'appelle pas à une sublimation scientifique qui convertirait en science pure et autonome d'éventuelles dispositions subversives. Elle engage à reconnaître un privilège épistémique à qui fait l'expérience d'une position minoritaire. Donc il ne s'agit pas de dire que parce qu'on est une femme, ou parce qu'on n'est pas hétérosexuel, ou parce qu'on est ethnicisé par autrui, on voit spontanément le monde différemment d'un homme hétérosexuel blanc, mais que le regard critique susceptible d'être produit des positions sociales minoritaires, qui peut être appris si on ne les occupe pas personnellement, j'y reviendrai, engendre une attention spécifique au rapport de domination qui produisent ces positions minoritaires. On a un savoir spécifique parce qu'on a une certaine expérience et on voit le monde social depuis une position qui pose des problèmes et qui donc permet de formuler certaines problématiques plus que d'autres. En France, où la théorie du positionnement féministe a fait l'objet de moins d'écrits, mais quand même de quelques-uns, ce type d'argument existe néanmoins et abreuve en fait nos façons de concevoir la recherche et le regard critique que bien souvent, en tant que féministe, nous adressons aux recherches aveugles aux hiérarchies de genre, de sexualité ou éventuellement de race, comme nous ne sommes pas aveugles nous-mêmes. Ces recherches que nous critiquons, dont nous critiquons par exemple les biais androcentriques entre autres biais, sont les recherches qui nous donnent des maux d'estomac de façon persistante, et ça sera toute la vie, hein, je vous préviens. Vous lirez des livres, vous écouterez des choses, y compris des choses qui vous intéresseront, et puis de temps en temps vous aurez mal à l'estomac parce que quelque chose sera dit ou quelque chose ne sera pas dit qui vous semblera énorme. C'est ce qu'explique notamment un texte de collègue Guillaumin que je vous invite à lire, il est disponible en ligne, qui est très connu, qui est un peu une référence assez importante en France et qui a un titre très évocateur, puisque l'article s'intitule « Femmes et théorie de la société, remarques sur les effets théoriques de la colère des opprimés ». Et elle montre bien cette articulation-là entre l'expérience et le fait de savoir que quand on n'est pas la violence qui est faite, elle ne peut même pas être comptée comme un objet de savoir, tant qu'on n'est soi-même pas un sujet de savoir. Un deuxième point de tension, en lien avec celui que je viens d'expliciter, réside dans le fait que la position de savant est conçue comme une position de pouvoir, parce qu'à l'origine de l'épistémologie du positionnement réside une histoire collective, dont nous a raconté un pan Rosemary tout à l'heure, celle de l'exclusion des femmes des universités. L'écoute aux positions minoritaires, c'est-à-dire la prise en compte des objections qui sont formulées, notamment par des personnes qui se trouvent en marge ou en dehors des lieux de savoir consacrés, remettent en cause l'autorité indiscutée du savant. Ce que les féministes ont apporté au regard sociologique, anthropologique ou historique, quand elles ont progressivement pu entrer dans l'université, c'est pas seulement tout ce qui jusque-là avait été oublié par les hommes en raison de leur position dominante au regard des rapports de genre. Leur entrée dans l'université s'est faite également contre l'intérêt de ces hommes à ne pas les reconnaître comme légitimes à produire du savoir, ce que tu disais bien tout à l'heure. Elles savent, parce qu'elles en ont fait l'expérience historique et continuent sous d'autres formes d'en faire l'expérience aujourd'hui, que la position de savant est une position de pouvoir. Une position à partir de laquelle on décide qui mérite ou non le statut de savant, quels sont les objets qui comptent, et c'est une position à partir de laquelle on peut commenter la vie d'autrui. Dire que l'objectivité que les féministes participent à construire est plus forte parce qu'elles sont intéressées par les finalités de la recherche et les contraintes dans lesquelles celles-ci s'élaborent signifie qu'elles intègrent explicitement dans leurs objets de recherche comme dans leurs pratiques professionnelles une visée politique. Elles incluent dans les critères de la science cette dimension, elles ne construisent pas la légitimité scientifique sur la dénégation du politique. Elles travaillent sur la domination pour lutter contre la domination. Elles se demandent et doivent se demander quels intérêts elles servent quand elles élaborent tel ou tel objet, quelle population elles exposent en parlant de telle ou telle façon, ou encore quelle vie elles excluent de leur questionnement. Parce que toute théorie scientifique est politique, quand bien même elle prétend ne pas l'être. une théorie n'est pas plus ou moins politisée, ça c'est l'adjectif qui est utilisé quand on cherche à discréditer une théorie qui se revendique comme politique. Toute théorie est toujours déjà politique, qu'elle admette ou non, et se positionner explicitement est politique, mais refuser de le faire est politique aussi. Mais c'est pas exactement maintenant dans la politique. Ces deux aspects, le fait de penser à partir d'expériences en but et le fait de le reconnaître explicitement, ne signifie pas que la formulation de savoir depuis des positions minoritaires garantisse la fiabilité de l'analyse, parce que ça serait un petit peu trop facile quand même. Et ça, c'est un malentendu fréquent qui se manifeste aussi bien du côté des personnes qui promeuvent une science féministe que du côté de leurs détracteurs. Soit quand on cherche à légitimer tel ou tel objet au nom de sa propre position sociale, par exemple, seules les femmes peuvent étudier les femmes, ou alors quand on cherche à délégitimer tel ou tel objet ou telle ou telle méthodologie au motif que la personne qui la formule serait trop engagée dans son objet ou trop proche, votre recherche n'est pas scientifique, elle est militante par exemple. Alors je vais m'appesantir s'il me reste encore 5 minutes, parce que j'ai mis le chrono, c'est une pause. Ouais, moi je vais revenir sur ces objections parce que il me semble qu'elles sont importantes. Dans le premier cas, donc, qui consiste à penser qu'on ne pourrait produire de savoir qu'en se fondant sur sa propre expérience, le risque est d'essentialiser les sujets de savoir. Harding a beaucoup écrit là-dessus, et paraphrasant Beauvoir, alors ça c'est facile, ça c'est aussi un gimmick hein, dans la recherche féministe, mais bon, ça marche à tous les coups, elle précise qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. C'est bien qu'être une femme, par exemple, ou s'identifier comme femme, ne suffit pas à être féministe, même que de gens qui peuvent être, adopter une perspective féministe sans s'identifier comme femme ou être identifiée comme telle. Elle critique la tendance de ce qu'elle appelle l'empirisme féministe spontané à essentialiser l'expérience des femmes comme si une telle expérience était susceptible de corriger le sexisme et l'androcentrisme des travaux produits en dehors d'une perspective féministe de façon mécanique et assez conservatrice, c'est-à-dire a posteriori et sans qu'il soit obligé de toucher au cadre dans lequel sont pensées les méthodologies canoniques. Contre toute essentialisation des expériences et des positions, Sandra Harding souligne la possibilité pour chacun et chacune d'accéder à des savoirs produits ailleurs et par d'autres que soi, mais à condition d'apprendre les histoires et les espoirs de ces derniers, de nous exposer pour leur combat jusqu'à ce qu'ils deviennent les nôtres, enfin de dénoncer les croyances et les pratiques institutionnelles qui les excluent. Contre toute essentialisation des sujets de savoir, il est important de rappeler, et la communauté féministe le sait plus que tout autre, que l'on n'est jamais seulement femme ou homme, voire on n'est aucun des deux, mais qu'interviennent d'autres choses, notamment la classe sociale, la race, la sexualité, l'âge, la nationalité, etc., qui produisent de manière imbriquée des positions sociales qui ne peuvent pas être réduites à l'un seul de ces systèmes de différenciation sociale. Dans le deuxième cas, celui de la délégitimation d'un positionnement explicite au motif qu'il serait militant et pour cette raison non scientifique, le problème consiste à instituer au-dessus de tout positionnement la possibilité d'un regard scientifique désengagé qui serait dès lors plus fiable parce que donc sans présupposer, délester des prénotions, etc. C'est ce que Donna Haraway appelle le « God trick », le truc divin, qui consiste à voir tout depuis nulle part. Mais comme l'écrit Christine Delphi, toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non, mais qu'elle le sache ou non fait une grande différence. Si elle ne le sait pas, si elle se prétend neutre, elle lit l'histoire qu'elle prétend expliquer, elle est idéologie et non connaissance. Ce qui est discuté par le positionnement féministe, c'est le discours d'autorité au nom d'une position qui serait apolitique, c'est la dénégation du processus historique et politique à l'origine de tout savoir et de sa légitimation. Donna Haraway explique de façon très claire à la fois un écueil d'une appropriation simpliste de la théorie du positionnement, qui conduit à une essentialisation et à la garantie, à la fiabilité d'un savoir qui serait produit depuis les marges, et les raisons pour lesquelles le procès en militantisme peut être lui aussi une simplification quand il se fonde sur une position de principe. Je la cite, ce sera ma dernière citation, mais je pense que c'est une phrase importante. Fonder la capacité de voir à partir des marges et des profondeurs a une grande importance. Mais cela comporte le sérieux danger d'idéaliser et ou de s'approprier la vision des moins puissants alors qu'on revendique de voir à partir de leur position. Voir d'en bas ne s'apprend pas facilement et n'est pas sans problème, même si nous habitons naturellement le grand terrain souterrain des savoirs assujettis. Les positionnements des assujettis ne sont pas dispensés de réexamen critique, de décodage, de déconstruction et d'interprétation. Les points de vue des assujettis ne sont pas des positions innocentes. Au contraire, ils sont privilégiés parce qu'en principe, moins susceptibles d'autoriser le déni, le noyau critique et interprétatif de tout savoir. Et c'est quelque chose qui est important dans cette dans cette perspective théorique, c'est qu'aucun savoir n'est innocent, aucune position n'est totale, les savoirs sont partiels et on doit rendre des comptes sur la façon dont on produit la science pour analyser cette partialité du regard. Donc, je n'aurai pas le temps du tout de développer les aspects méthodologiques, juste pour nommer les enjeux, je pense, qui sont les plus importants dans le fait d'essayer de réfléchir à une translation de ces propositions théoriques dans le savoir méthodologique. Ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet de réfléchir à la part que l'expérience prend dans la façon dont nous construisons nos questions de recherche, nos objets, ce qu'on décide d'aller voir ou de ne pas aller voir. Ensuite, les savoirs féministes ont ceci de particulier, que ce sont des savoirs qui sont ancrés dans des pratiques et que pour la réalisation des enquêtes de terrain, par exemple, ça peut servir comme des manuels de pratiques face à certaines situations, et notamment des situations de violence de genre par rapport auxquelles on a des savoirs pratiques pour faire face en fait, à certaines crises sur le terrain qui peuvent être liées à des violences de genre, notamment entre autres violences possibles. Un des enjeux aussi de la prise en compte de ces réflexions-là pour la réflexion méthodologique, c'est d'étendre les critères de la réflexivité et d'inclure dans la réflexivité méthodologique des choses qui en sont habituellement exclues, alors au titre du narcissisme ou d'autres façons d'exclure en fait de l'objectivation de certaines de nos positions en dehors de l'exercice réflexif. Les réfléchir dans une perspective féministe oblige à reconsidérer les critères de l'exercice réflexif, on pourra en discuter dans la discussion parce que je resterai invisible. Et une dernière chose qui me semble importante, c'est ça permet de lier ensemble les aspects théoriques, méthodologiques et déontologiques du métier, puisqu'à partir du moment où on s'interroge sur les conditions matérielles de la production du savoir, sur ce que ça fait aux gens, sur le fait qu'on travaille de manière engagée, etc., on est obligé de ne pas seulement appréhender la méthodologie comme une question de façon de faire sur le terrain, etc., d'envisager seulement des questions théoriques, mais de voir en quoi consiste le métier, ce qu'on fait aux gens, ce qu'on se fait à soi-même, etc. Mais c'est encore une autre chose dont on pourra éventuellement discuter tout à l'heure. Je lâche le micro. Merci.